À la cour du président des riches, on s'interroge. Qui sont ces gueux sous nos fenêtres? Pourquoi ces brailleries et ce grabuge alors que nous faisons tout pour leur bien? Du côté des experts médiatiques et des voyantes ultra lucides, on se demande quels sont ces gens-là? Des beaufs racistes et violents? Ou juste des ploucs avec leurs bagnoles qui puent? Des fachos ou des fâchés? Faut-il les lécher ou les lyncher? Selon les sondages, ils ont la faveur de l'opinion, donc ils ont nos faveurs. Ce que je vous lis là, c'est pas écrit par moi, c'est trouvé, j'ai trouvé ce texte. Et cette phrase que je viens de dire, selon les sondages, ils ont la faveur de l'opinion, donc ils ont nos faveurs. C'est Jim Jarassé, 3 Français sur 4 soutiennent les Gilets jaunes, le Figaro du 19 novembre 2018. Je continue. Il sera toujours temps de les lâcher. Une bavure, une violence, et on les repeint en rouge brun. Mais avant tout, la question est, qui est derrière ça? Qui? Le FBI? La Russie? L'extrême droite? Le lobby du pétrole? De la bagnole? Les Chinois qui fabriquent les gilets jaunes? Et non, les amis, celui qui est derrière ça, c'est Macron lui-même, le Robin des Bois à l'envers. Celui qui prend aux pauvres pour donner aux riches. C'est lui qui est à l'origine de tout ça au départ. La violence, c'est lui. Lui et son monde. La violence de l'injustice et de l'arrogance, c'est eux. Sauf que les gueux ont fini par se lasser. Abusés, humiliés, invisibles et tondus jusqu'à l'os, la goutte d'eau a allumé l'étincelle. Alors que règne la résignation et le repli, voilà qu'ils se lancent de partout en jaune, depuis le plus profond du pays. Surprise générale devant ce grand cahier de doléances. Près de 300 000 ce samedi à travers l'Hexagone. Bon, mais c'est bien joli, spontané, auto-organisé, mais sans structure organisée. Vous croyez que ça peut marcher, ça? On sait en tout cas qu'avec les partis et les syndicats organisés, pour la loi travail et pour les cheminots, la victoire n'a pas vraiment été au rendez-vous. Alors, c'est vrai, pas de drapeau rouge avec les gilets jaunes, pas de République, ni de Bastille. On fonce tout droit sur l'Élysée en repassant par où la foule était massée lors des funérailles de Johnny. Un hasard sans doute, et partout dans le pays, les ronds-points, les péages, les parkings de supermarchés, d'autres espaces, d'autres lieux de lien. La suite, un coup d'épée dans l'eau ou la prise de la Bastille, un défoulement sans suite ou un mouvement de fond. Bien sûr, la droite racole à fond et l'extrême droite est à la manœuvre. Normal, bien sûr, la gauche doit soutenir, c'est étonnant. Élan, mais il faut écouter d'abord. Oui, certes, il y a des violences, des insultes racistes et sexistes dans ce mouvement. Les braves médias n'en manquent pas une. Mais qui a dit qu'il n'y a jamais eu de crétin parmi les damnés de la Terre? Est-ce suffisant pour disqualifier un élan aussi étonnant? Samedi vers l'Élysée, entre grenades et lacrymos, notre reporter Dila Teibi a rencontré quelques-unes et quelques-uns de ces gueux vêtus de jaune. Ils appellent à bloquer le pays pour protester contre la hausse du prix du carburant. Les gilets jaunes passent à l'action aujourd'hui. France 2. Plus de 2000 actions ont lieu sur tout le territoire. Blocage de routes, de centres commerciaux ou de stations essence. 17 novembre 2018. Un cri de ralliement. Une même colère. Et un objectif, bloquer la circulation au plus vite. À travers toute la France, plus de 2300 rassemblements, rarement plus de 500 personnes au même endroit, alors difficile de mesurer l'ampleur du mouvement. Opération péage gratuit à Buchelet dans les Yvelines. Opération escargot sur le périphérique parisien. Même mobilisation dans la capitale. Au plus près de l'Élysée, on est rue du Faubourg Saint-Honoré, BFM TV. Dans la rue de l'Élysée, de nombreux gilets jaunes, près d'un millier, des centaines en tout cas, ont réussi à s'approcher de l'entrée du palais présidentiel. C'était leur but, hein. Beaucoup étaient là, ont descendu les Champs-Élysées en fin de matinée, sont longtemps restés sur la place de la Concorde et voulaient aller affronter, ce sont leurs mots, directement Emmanuel Macron. Macron démission? Ah oui. Macron, démission. Voilà, là, on rentre dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est là qu'il y a l'Élysée. Hein. Ouais. Là, t'as avec les policiers depuis tout à l'heure. Est-ce que vous, c'est votre première mobilisation? Exact. Ah bon? Je jure. Ouais, première. Et il fallait que je la fasse. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes quel secteur? On est dans le scolaire, ouais, trappe. Personnel dans les écoles. Voilà, exact. Et première mobilisation, alors qu'il y en a eu plein d'autres, la loi travail. Ouais, il y en a eu plein d'autres, mais là, celle-ci, il fallait que j'y sois. Pourquoi celle-là et pas celle d'avant? Mais pourquoi? Il y en a marre. Quand on voit tout ce qui arrive, on est en train de mourir. On est en train de mourir petit à petit. La classe moyenne est en train de mourir. Oui, on est en train de mourir. Nos auto-entrepreneurs, tous les ouvriers, toutes les personnes, toutes les familles nombreuses sont en train de mourir à petit feu. Et dans quelques années, on pourra même plus se chauffer. Et voilà, c'est une catastrophe ce qui se passe en ce moment. Et c'est, vous aussi, c'est la première mobilisation? Une grosse mobilisation, oui, jeune, j'en ai fait. Et aujourd'hui, c'est nécessaire, c'est pour mes enfants. Voilà, j'ai 4 adolescents, dont un handicapé. La vie est compliquée, un mari qui travaille énormément, 60 heures par semaine. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre mari? Il est électricien industriel, donc il est dans tout en déplacement, dans toute la France. Donc vous, avec votre mari, c'est la classe moyenne? C'est la classe moyenne, voilà. Ça veut dire combien par mois de revenus? 3400 euros par mois et on survit. À deux? À deux et on ne boucle pas nos fins de mois. Voilà, on est à découvert au 5 du mois et on ne peut plus manger, on ne peut plus rien faire. On est taxé de partout, on paye 300 euros de gaz et d'électricité par mois. Ça devient plus gérable. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on en vient à plus pouvoir vivre. On est en train de mourir, nos retraités qui vont perdre encore 30% sur leur salaire à partir de février. C'est pour les hôpitaux à qui on va encore enlever une enveloppe alors que déjà les soins, c'est compliqué. J'ai des tas de gens autour de moi de la classe moyenne qui font des crédits pour se faire refaire les dents. Donc, est-ce que ça, c'est normal? Non, je crois pas. Donc, quel avenir ont nos enfants? Moi, c'est ma grande question. Voilà, c'est juste pour tout ça, toutes ces raisons. Et vous avez voté aux dernières élections? Tout à fait. Vous avez voté Macron? Non, pas Macron. Non, parce que moi, je vote pas pour un riche qui a été posé là, choisi par des riches. Et vous avez voté pour qui? Blanc. Même voilà. Au premier tour? Oui, blanc. Ça veut dire que vous vous reconnaissez pas du tout dans la classe politique? Dans aucun parti politique. Moi, je suis le peuple, je suis tout le monde, je suis ma mère, je suis ma grand-mère, je suis tout le monde, les médecins, les pompiers, les voilà, je suis tous ces gens-là, je suis la police, je suis tout le monde. Je suis la voix du peuple, je suis le peuple qui sait combien coûte une baguette, je suis celle qui, la France du matin qui se lève et qui est confrontée aux vrais problèmes de la vie, je ne suis pas la France riche ou exceptionnelle, il faut venir dans la vraie vie, il faut redescendre. L'essence, c'est un prétexte. Là, c'est un ras-le-bol. C'est pas ça, l'essence. Moi, l'essence, je m'en fiche. J'ai pas le permis. Mon mari passe sa vie en déplacement. On part une fois par an avec notre voiture en vacances. On est obligé d'aller en Europe parce qu'on n'a pas les moyens d'aller en France en vacances. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je veux dire, on part une fois par an. Donc, nous, on fait pas partie des gens qui polluent trop non plus. Donc, c'est le prétexte. L'essence, c'est rien pour moi. J'en ai rien à faire de l'essence. L'essence égale l'augmentation du gaz. L'année prochaine. Et là, on va se prendre 30% d'augmentation l'année prochaine. Vous êtes la France qui enfin populaire. Se fait entendre, quoi. Voilà, la France populaire, la France qui est sous les millions de Français là, qui vivent. Tu en passes à côté d'une sacrée Porsche, là. Voilà, donc vous voyez, par exemple. Ah non, c'est une Ferrari. Nous, il nous en faut. Il faut des gens qui investissent et qui. J'ai rien contre ces gens-là et j'ai rien du tout. Il faut de tout, mais il faut aussi de l'équité et qu'on remette les SF. Et qu'on aille taxer là où il faut, les bateaux dans les ports, qui sont là, croisières, les yachts, etc., qui dorment pendant un an. C'est ça qu'il faut aller taxer pour la pollution, pour tout ce qui s'en suit, et pas nos petits retraités, pas nos hôpitaux, pas tout ça. Et pas vous, quoi. Et pas nous, voilà. Il faut qu'on nous laisse un petit peu tranquille, parce que tout ce qu'on a donné, on ne sait pas où c'est allé. Depuis des années, on est taxé pour ci, pour ça, on n'a rien remboursé, on ne sait pas où ça va, donc est-ce que c'est normal? Non, je ne pense pas. Donc on veut juste vivre correctement, manger, on n'en demande pas plus. Ceux qui veulent plus, ils investissent. C'est-à-dire que vous voulez vivre de votre travail, quoi. Voilà, on veut pouvoir avoir un pouvoir d'achat, avoir des charges à 30% et avoir 70% pour payer ce qu'on a à payer et vivre correctement. On ne demande pas à plus payer de charges, on n'est pas dans l'utopie, c'est pas Disneyland. On sait très bien qu'il y a des choses à faire, même pour l'environnement, c'est nos enfants qui vont vivre plus tard après, on le sait, on y pense. Donc là, c'est 2019-2020, ça va être vraiment compliqué. Ce qu'attend les retraités en février 2019, c'est très grave ce qui va se passer. Tout le monde recule, là, attention à vous. Là, apparemment, il y a les CRS qui chargent. Ah. Ouais, voilà, on est juste devant l'Elysée. et on ne peut pas avancer plus loin. La rue, elle est barrée. Là, la rue du Faubourg Saint-Honoré, on est au 39. À 30 mètres, on a l'Elysée protégé par des fourgons de CRS. Et là, nous, on est obligé de reculer parce que là, les CRS, là, ils sont en train de charger. Oula. Au JB Macron, oui, guillotine pour Macron. Il se prend pour le roi, et ben qu'on le traite comme un roi. Donc là, on est bloqué dans la rue d'Anjou, là, par les... Vous n'avez pas carte de presse, monsieur. Alors, vous pouvez être arrêté. Ça, ce sont des personnes qui sont arrêtées. Vous ne pouvez pas filmer des personnes arrêtées. Non, vous ne pouvez pas filmer des personnes arrêtées. Non, monsieur, vous ne pouvez pas. Monsieur, vous ne pouvez pas filmer des personnes arrêtées. Ne croyez pas savoir tout, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas filmer des personnes arrêtées. C'est vous qui devez vous renseigner. Si vous voulez que je vous arrête pour vous le démontrer, faire un PV, vous ne pouvez pas filmer des personnes arrêtées. Vous n'en avez pas le droit. Ça va ? Maintenant, vous partez. Ouais, monsieur. Vous partez, parce que c'est pas mon appareil. Vous partez. Nous sommes d'accord. Est-ce que je peux avoir ça, s'il vous plaît ? Quand on pense connaître la loi, il faut en être certain. Droit, bon, sinon, on ne fait pas, on ne fait pas son Jean Gabin. Ça va ? Je vais. On est d'accord ? Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, mon... Vous allez partir, monsieur ? J'ai pas le choix. Ou sinon, je saisis ça, puisque je vous ai dit assez. Maintenant, vous ne pouviez pas filmer des personnes arrêtées. Nous sommes d'accord ? Ok, très bien, monsieur. Voilà, vous partez, monsieur. Plus vite que tout de suite. Ouais. Partez, monsieur. Monsieur, troisième fois. Quatre. Mais monsieur, j'ai le droit de m'asseoir ici quand même. Gardez l'entrée, s'il vous plaît. C'est gagné. Vous avez le droit au filmant, peut-être ? Ah bon ? Vous êtes vraiment pour des cons, hein ? Ouais, j'ai le droit de filmer. Hein. J'ai le droit de filmer, monsieur. Je filme à personne. C'est pour ça qu'on va venir ici. Dès qu'on retrouve ces images, je vais interviewer. Le droit à l'image, hein, fameuse question dans ce monde où nous sommes, où l'image prend toute la place. Hein, vraiment, c'est incroyable, c'est fou d'ailleurs. Et pour ce faire, donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est une capsule vidéo réalisée par Zine TV. Donc Zine TV, je ne sais pas si vous connaissez, je vous invite à faire une petite recherche, mais en tout cas, ils disent qu'ils sont un centre de formation, qu'ils offrent des outils concrets, pratiques et théoriques à des citoyens impliqués dans le tissu associatif. Et ils organisaient, au mois de novembre, début novembre, une conférence débat, le droit à l'image, et c'est ce qu'on va entendre, avec l'avocat Jean-Christophe Lardinois, spécialisé en droit intellectuel, droit des médias et de la communication. Il y a des gens aussi qui sont là, on va les entendre, chouette. Et ça se passe en deux parties. Première partie, Jean-Christophe Lardinois, avocat. Et puis la deuxième partie, ce sera Mathieu Baez, juriste et auteur de l'ouvrage de référence « Quel droit face à la police ?». Il sera accompagné de Lévi Soli, délégué FGTB à BVV. Et ils témoigneront sur la liberté de grève et de protestation pacifique. Micro ouvert. Bienvenue dans ce premier débat de lancement d'une exposition collective qui est l'exposition Don't Shoot, donc une exposition qui a vocation de montrer des images qui ont survécu à la censure, principalement la censure policière, et donc qui interroge la question de est-ce qu'on peut filmer, photographier la police sans se faire arrêter. Et donc si on pose la question, c'est parce que la question amène à une réelle inquiétude aujourd'hui. On est confronté de plus en plus sur le terrain à ce genre de problèmes, en tout cas à des intimidations, à des questions parfois de violence ou d'intervention plus violente quand il s'agit de prise d'image dans certaines circonstances, notamment en cas de, d'opérations policières, que ce soit dans les mouvements sociaux ou parfois dans certains lieux de solidarité. Et donc, nous avons ici Jean-Christophe Lardinois, qui est spécialiste du droit à l'image et qui va pouvoir nous éclairer par rapport à toutes ces questions. Merci. Merci, Maxime. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Oui, alors, merci beaucoup de le rappeler. Donc, cette séquence hautement suralise va être filmée. Alors, j'avais peut-être une première question à vous poser qui permettrait d'introduire le débat. Donc, vous êtes filmé. Est-ce qu'on vous a demandé votre consentement avant d'entrer dans la salle ou vous a-t-on fait signer un quelconque papier par lequel vous avez donné votre consentement avant d'être filmé? Non, personne, je pense. Non, Maxime? Non, non. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, à votre avis? Est-ce que ça pose une question ou pas? Bien sûr, oui. Et qu'est-ce qui est en jeu, là, maintenant, au moment où on se parle? C'est quel type de droit, à votre avis, qui est en jeu? C'est facile, c'est écrit, non, pas encore là, mais sur le site qui arrive. Merci beaucoup, c'est votre droit à l'image. Et vous allez voir que, évidemment, aujourd'hui, on va parler essentiellement du droit à l'image par rapport à la police, par rapport à la possibilité ou pas de filmer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Mais cette première introduction, cette première question me permet de vous dire que, voilà, votre droit, il y a un droit à l'image général. Est-ce qu'il y a un droit à l'image particulier aux policiers, aux personnes qui sont violentées ou arrêtées? On va le voir un petit peu après. Mais aujourd'hui, vous êtes ici, vous êtes normalement, vous avez donné votre consentement, libre, en principe. Et si vous êtes ici, à cette conférence, et je vous en remercie, eh bien, quelque part, on peut considérer que vous avez donné, quelque part, tacitement, votre consentement à ce que ça soit filmé. Donc, les personnes INTV donc, qui filment aujourd'hui n'ont, en principe, pas besoin d'avoir votre consentement pour vous filmer. Pourquoi? Parce que vous êtes venu consciemment de votre plein gré à cette conférence, cette magnifique conférence sur le droit à l'image. Okay, donc, c'était une première chose que je voulais évoquer avec vous. Alors, ça c'est une super question, parce que il y a le consentement, mais il y a surtout, qu'est-ce qu'on va faire de ces images? Votre question est tout à fait pertinente, parce qu'on peut considérer en effet que vous avez donné votre consentement tacite, d'accord? On n'avait pas besoin de vous faire signer un papier, mais que vont devenir ces images? Et là c'est important, parce que le fait de savoir ou pas où vont ces images, peut vous faire réagir et, le cas échéant, peut vous faire dire « Ah, mais moi, je ne souhaite pas que ces images soient diffusées sur telle plateforme, sur tel réseau. » Alors, je ne sais pas. Vous voyez, bravo, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Cher Maxime, où vont aller ces images? Mais donc, ces images ont pour destination le site internet de ZINTV, où on va faire une émission sur chacun des débats qui ont lieu cet après-midi, pour que les personnes qui n'ont pas pu y assister puissent y assister virtuellement. Est-ce que cela vous convient? Est-ce que cela convient à tout le monde? Parce qu'une des premières questions, c'est « Ok, pour mon autorisation tacite, mais si je ne veux pas que ces images soient diffusées sur cette plateforme de diffusion, vous pourriez très bien dire « Moi, je ne souhaite pas le faire. » Et là, normalement, l'organisateur aurait l'obligation de ne pas diffuser. Mais est-ce que c'est de rien diffuser du tout, ou c'est de diffuser, mais avec celles ou ceux d'entre vous qui ne souhaitent pas le faire, avec le visage flouté? Puisqu'on va le voir, le droit à l'image ne s'applique que lorsque la personne est identifiable. Okay? Donc il faudrait à ce moment-là qu'en régie, là derrière moi, il y ait tout un travail de personnes qui vont s'amuser, si je puis dire, au montage, à flouter les yeux ou le visage de celles ou ceux d'entre vous qui ne souhaitent pas voir ces images diffusées sur la plateforme ZINTV. Mais on va dire que ça va quand même, oui, qu'on va pouvoir continuer et que personne ne souhaite avoir cela. Je ne sais même pas, est-ce que vous pouvez le faire? Oui, peut-être. Pour le pixeliser ou flouter les images. Oui, on peut tout faire aujourd'hui. Ou on tout peut simplement tout ne pas filmer les personnes. Ou ne pas filmer les personnes. Ah, vous voulez intervenir déjà? Bien sûr. C'est plus une question de nécessité d'image. Est-ce qu'il y a une dimension performative à la présence de 4 caméras, ou est-ce que vous jugez nécessaire que c'est mon profil qui est meilleur avec 5. Donc Zine TV, c'est à la fois une TV en ligne, mais c'est aussi tout un centre de formation et une, dans une dynamique où tout ce qu'on crée, tout ce qu'on filme, c'est toujours dans une dynamique collective. Et récemment, on a mis en place, on a un nouvel outil, donc la régie multicaméra, et toutes les personnes qui sont ici autour, c'est aussi des gens qui sont en formation et qui apprennent à utiliser l'outil. Et on aimerait bien, avec ces émissions, avoir des émissions en ligne qui permettent à d'autres personnes, des associations, d'autres types d'experts, d'être sur le devant de la scène et d'avoir une autre parole, que ce ne soit pas toujours les mêmes qu'on entend dans les débats, et d'essayer de redévelopper la culture du débat avec tous les partenaires associatifs et autres. Donc on aimerait bien lancer un nouveau plateau de débat et il se lance maintenant, aujourd'hui, entre autres. Voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de caméras, parce que ça permet de dynamiser le montage et éventuellement de rendre ça plus intéressant à regarder en live. En tout cas, c'est ce qu'on espère, et puis c'est ce qu'on peut après juger ensemble et faire une évaluation de la nécessité ou non d'autant de caméras. Voilà. Et alors, c'est pour ça qu'on demande aussi au public de parler dans le micro pour qu'on puisse enregistrer tout ça. Voilà. Ok, donc on a multicaméra, haute définition. C'est la totale, ok. Donc moi je suis très très content et très fier de participer à cette performance. Je vais essayer d'être digne, de l'ampleur des moyens déployés, parce que d'habitude il y a même pas de caméra quand je parle, mais c'est peu importe, ok. Donc ça va pour tout le monde, vous êtes bien confortable, vous êtes filmé, donc attention, donc tout ce qui sera dit ici pourra toujours être retenu contre vous. Ça c'est dans les mauvaises séries américaines avec des avocats, donc je suis très friand, puisque j'en suis un, d'avocat. Alors, droit à l'image, je n'ai pas voulu vous faire quelque chose de trop pénible, un cours comme ça, extra tédra, vous expliquant toutes les conditions du droit à l'image, mais il m'a semblé intéressant avec Frédéric et Maxime de vous rappeler quand même quelques notions, parce que j'entends beaucoup de choses et leur contraire, et je pense qu'on n'a pas toujours une bonne compréhension de notions comme le droit à l'image, évidemment, la vie privée, un truc qui s'appelle le GDPR, que vous avez peut-être déjà entendu, hein, le traitement des données à caractère personnel, les principes de réputation, d'honneur, les principes de lieu public, d'accord. Donc je crois qu'il y a beaucoup de, non pas de malentendus, mais peut-être une information qui n'est pas toujours complète, ni suffisamment précise, pour qu'on puisse bien l'appréhender. Alors, comme la conférence, débat, s'appelle le droit à l'image des personnes, en particulier des fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions. Un petit mot d'abord sur le droit à l'image. J'imagine que vous voyez toutes et tous intuitivement ce qu'est le droit à l'image. Mais le droit à l'image, c'est un droit, ce qu'on appelle un droit de la personnalité. C'est un droit qui appartient à chacun d'entre nous, d'accord. Ce n'est pas réservé aux policiers, ce n'est pas réservé aux personnes comme lambda, comme vous et moi. Et c'est un droit qui est très fort, parce que c'est un droit qui part sur le principe que toute personne qui a ce droit à l'image peut interdire, d'accord, l'utilisation, d'abord le fait d'être pris en photo et de voir cette photo diffusée, ok, sans son consentement préalable, ok, sans son consentement préalable. C'est très fort, parce que dès que vous pouvez être identifiable ou reconnaissable, ok, eh bien vous pouvez vous opposer à ce que votre photographie, votre représentation soit utilisée sur n'importe quel support que ce soit. Alors, une première question, c'est, oui, reconnaissable, mais reconnaissable par qui? En général, on considère que c'est par des proches, d'accord? Donc, on ne va pas faire un micro-trottoir en disant, tiens, est-ce que vous connaissez cette personne sur cette photo? Non, non, il suffit qu'un proche puisse être... vous reconnaître, que vous pouvez alors à ce moment-là utiliser votre droit à l'image, donc vous opposer à l'utilisation de cette image. Okay, donc ça c'est le principe de base, qui n'est pas très compliqué. D'accord, si vous utilisez Facebook, j'imagine, la plupart d'entre vous ont une page Facebook, eh bien, il y a à peu près 34 millions de violations de droit à l'image seconde sur Facebook, hein, puisque évidemment vous publiez systématiquement des photos de vous, en général, ça va, en principe, vous êtes d'accord avec vous-même, pour votre profil, et puis vous publiez des photos avec vos amis, et déjà ça pose un problème, d'accord. Donc, à partir du moment où il y a une certaine publicité, d'accord, il y a un souci de droit à l'image. Mais personne ne s'en inquiète vraiment, ok, pourquoi? Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on communique principalement par l'image, et les réseaux sociaux, vous savez, font qu'on a des dizaines de milliers, voire des millions d'images qui circulent pensez notamment à Instagram. Si vous utilisez aussi Instagram, bah évidemment, c'est là où on utilise le plus d'images. Alors, ça, c'est vraiment le principe. C'est un principe tout simple, donc autorisation préalable de la personne qui est reconnaissable. Okay ? Alors, comme le droit, ce qui est merveilleux dans le droit, c'est qu'il y a des principes et des exceptions. Okay ? Donc, est-ce que Maxime, tu peux passer à la dia suivante ? Donc, j'ai voulu reprendre ici, ne vous inquiétez pas, il n'y en a que quatre. Hein. Il n'y a que quatre dia. Donc, à la question importante qui est, peut-on filmer des policiers ? Donc là, on va rentrer beaucoup plus dans le sujet qui vous intéresse, à savoir, est-ce qu'on peut filmer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions ? Eh bien, oui. Voilà, comme ça, on va très vite clôturer cette problématique. Ben oui, et c'est pas moi qui le dis, c'est Madame Non. Vous vous souvenez de Joëlle Milquet ? Enfin, elle vit toujours, hein, vous vous souvenez, Joëlle Milquet, elle n'est plus tellement active aujourd'hui, encore quoi, je pense qu'elle va revenir. Ben, Madame Non, comme on l'appelait à l'époque, Joëlle Milquet, quand elle était ministre de l'Intérieur, a été interpellée au Sénat, au Parlement, excusez-moi, par rapport à cette problématique de la protection du droit à l'image des policiers, eh bien, par sa voix, donc la voix du ministère de l'Intérieur a dit « Oui, il n'y a pas de souci pour filmer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a pas de législation particulière. D'accord ? Il n'y a pas de procédure spécifique. Ce n'est pas une infraction de filmer un policier dans l'exercice de ses fonctions. Okay ? Donc, le débat, en fait, finalement, il pourrait s'arrêter ici. Si vous êtes venu pour connaître la réponse à la question « Est-ce qu'on peut filmer un policier ?» dans l'exercice de ses fonctions, et j'y reviendrai après, parce que dans l'exercice des fonctions veut dire quelque chose, ben oui, voilà. Et donc on pourrait arrêter ici, mais ça ne serait pas assez drôle, puisqu'on va essayer d'animer ce débat. Et donc, de se dire, ben ok, est-ce que tout ça est si simple ? Eh bien non. Maxime, si tu peux passer à la suivante. Donc, celle-ci, c'est normalement la dernière ou l'avant-dernière, je ne sais pas, j'ai fait ça hier soir assez tard. Celle-ci, ce slide me permettait de vous introduire à toute une série de notions dont vous avez peut-être déjà entendu parler. N'hésitez pas à intervenir hein, si c'est trop chiant ou si c'est une notion qui vous paraît pas simple. Je vais essayer d'être vraiment le plus clair possible. Mais le problème avec les spécialistes, c'est qu'ils sont chiants parce qu'ils s'écoutent parler et que voilà, on en a parlé déjà il y a quelques temps. Alors, ce droit à l'image, en fait, je vous ai dit, c'est un principe qui n'est pas très compliqué en pratique. Ce n'est pas une loi, hein. C'est ce qu'on appelle une création jurisprudentielle. Et le seul lien par rapport au droit à l'image, ce lien un peu juridique ou légal qu'on a pu trouver, c'est ce qu'on appelle le droit au respect de la vie privée. D'accord ? Vous avez tous ici, un droit au respect de la vie privée, dont le droit à l'image est une espèce d'émanation. D'accord ? Et là, il y a évidemment des dispositions nationales, internationales, qui parlent okay, du droit au respect de la vie privée, comme de la liberté d'expression d'ailleurs, hein, puisque c'est un des sujets de cette magnifique exposition. Et bien donc, on parle du droit au respect de la vie privée. D'accord ? Donc quelqu'un qui veut bénéficier de son droit à l'image peut considérer que c'est parce qu'il faut respecter son droit à la vie privée. Alors, évidemment, je vous écris le fait qu'on parle ici d'images prises durant un temps de travail. Je reviens sur les policiers. Il n'y a pas de policiers encore dans la salle, je crois, non. Ils vont venir après. Ils vont venir m'arrêter, parce que j'ai dit. Il est bien évident que si vous voulez faire une photo d'un policier ou filmer un policier qui n'est pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, là, on retombe, je dirais, dans la bulle plus classique de la vie privée, qui fait que, comme vous et moi, on a une protection qui est beaucoup plus large. D'accord ? Donc, tout ce que je vais vous dire ici, tout ce que j'ai déjà commencé à vous expliquer, eh bien, cela ne vaut que lorsque vous photographiez ou lorsque vous filmez un policier dans l'exercice de ses fonctions. Alors, dans l'exercice de ses fonctions, ça veut dire quoi ? Ça peut être une arrestation, ça peut être quelque chose de moins chouette, à considérer qu'une arrestation c'est chouette, mais c'est évidemment dans ce cadre-là, d'accord ? Si vous voulez faire un reportage sur un policier et vous le suivez après ses heures de travail, ils ne travaillent pas tout le temps les policiers, je crois, hein. Enfin, ils disent toujours, mais je pense que voilà, ils peuvent avoir aussi une vie privée, une vie de famille, bah, il est clair que dans ce cadre-là, ce n'est pas parce qu'il est policier que l'on peut alors le photographier ou le filmer, je ne sais pas moi, dans sa salle de bain, lorsqu'il va conduire ses enfants à l'école. Évidemment, enfin, on pourrait le faire, mais vous devez alors avoir son autorisation express, donc écrite, préalable. D'accord ? Il y a des documentaires qui existent sur Vie ma vie de policier, Vie ma vie d'autres qualités, d'autres professions. Et bien évidemment, cela passe par une autorisation préalable. Ok ? Ça va pour tout le monde, ça ? Donc c'est vraiment dans l'exercice des fonctions. Ok ? Question qu'on peut se demander, mais comment savoir qu'un policier est dans l'exercice de ses fonctions ? Voilà. Moi, je vous adore. Hein. Restez encore là. Vous me posez vraiment. Vous me posez des questions trop difficiles. Vous auriez dû me poser des questions avant que j'y réfléchisse. Alors, un policier en civil. Est-ce qu'un policier peut être en civil ? Oui. Ça manque de policiers. On aurait dû avoir des. Oh, bien sûr. Un policier peut être en civil. Mais en général, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il fait le policier pour montrer qu'il est policier ? À part une moustache. Ah ben non, ça, il n'y a plus ça, les moustaches. Ça, c'était les gendarmes. C'était les anciens gendarmes. Un brassard ? Oui, un brassard, bien sûr. Un brassard de couleur. Rouge. Rouge. On a la FGTB après, je crois. Non, il y a. Alors, on va dire rouge. Comme ça, on reste. Enfin, ça va aller, ok. Avec un brassard où il est mis boulanger. Non, police, ok. Police, ok. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi faut-il un brassard? Je pense qu'ils sont obligés de l'avoir. Surtout s'ils sont en civil, évidemment, ok. Parce que évidemment, ils représentent l'autorité publique, d'accord. Donc, voilà, ça ne leur donne pas le droit de tout faire, hein. D'accord, mais c'est important pour les gens par exemple, qui participent à une manifestation de savoir que cette personne est membre de la police, puisqu'ils ont quand même certaines prérogatives. Okay, donc, dans ce cadre-là, il est dans l'exercice de leur fonction. Okay, vous dites non, hein? Alors, okay, alors ceux qui, pourquoi certains ne portent-ils pas de brassard? Pourquoi ? Faudrait pouvoir leur demander. Oui, c'est vrai. Je pose des questions idiotes parce que je n'ai même pas moi-même la réponse. Est-ce que vous pensez que c'est parce que ça leur permettrait de faire des trucs qui ne seraient peut-être pas tout à fait cadrés dans l'exercice de l'autorité ? Je ne sais pas, très sincèrement. Oui, vous avez peut-être... Je joue l'avocat du diable, évidemment. Non. Je me dis cas, c'est le but est de rester discret. Donc forcément, si on a un brassard, autant mettre le gilet pare-balles et le pistolet comme ça... On a la totale, vous voyez ce que je veux dire. J'imagine que ce serait la réponse d'un policier, en fait. Peut-être. Ça serait peut-être intéressant. Il y aura peut-être des policiers plus tard, ou je ne sais pas, ou peut-être quelqu'un, membre... Parce que, voilà, moi, je n'ai pas réponse à tout par rapport à... Je ne suis pas l'avocat de la police, ni contre la police. Je suis quelqu'un qui essaye de vous donner un éclairage sur les grands principes juridiques en matière de droit à l'image, respect de la vie privée et du droit à l'honneur, mais... je ne sais pas, peut-être que oui, c'est important. Peut-être que lorsqu'il faut infiltrer certains gangs, certains groupes à tendance un petit peu terroriste, allons-y, lançons-nous. Voilà, peut-être qu'ils ne le font pas. Ok, maintenant, est-ce que au niveau du droit à l'image, ça change quelque chose? Moi, je ne pense pas. Pour moi, ça reste quelqu'un qui est dans l'exercice de ses fonctions. Alors, c'est peut-être plus compliqué. Pour vous, journalistes, citoyens, de savoir si la personne que vous filmez est oui ou non un policier en exercice de ses fonctions. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de règles particulières pour les policiers. En fait, on se rend compte que les policiers sont soumis aux mêmes règles que vous et moi en matière de droit à l'image. D'accord ? Donc, s'il y a des exceptions, comme par exemple le fait... d'être dans une manifestation ou le fait de participer à une conférence comme celle-ci, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. D'accord ? Qu'il soit policier ou pas, ne change rien dans l'application de la loi. D'accord ? Souvent, la police dit le contraire. C'est comme quand il y a la police et le manifestant. Hein. Nous sommes aujourd'hui combien ? Une vingtaine ? Hein ? On va dire que selon la police, nous sommes 20 participants. Selon les manifestants, nous sommes 2000, hein, avec 5 caméras en duplex, merci beaucoup pour ça. Donc oui, souvent, eux, ils vont dire le contraire. Certains policiers utilisent un article... Bon, j'avais promis de ne pas vous saouler avec des articles, mais c'est un article important, qui est l'article 35, si ma mémoire est bonne, de la loi de police, qui est à la limite le seul élément dans ce qu'on peut trouver dans l'arsenal, si je puis dire, législatif, pour les policiers, qui en fait est un texte, je vais le vulgariser, mais qui dit en deux mots que normalement ils peuvent empêcher que soient filmées ou que soient photographiées des personnes, mais pas eux, mais des personnes par exemple qu'ils arrêtent, d'accord, pour garantir ce qu'on appelle notamment la présomption d'innocence. D'accord, mais ce qui est marrant, c'est que c'est une disposition qui est censée protéger la personne, mais pas eux. Alors c'est rigolo de dire « Oh non, vous ne pouvez pas, l'article 30... » Mais non, mais toi, vous, excusez-moi, mais je peux vous filmer. Alors la personne qui est arrêtée, ça peut être problématique, d'accord, surtout si les images sont diffusées par après. Imaginez un de vos amis qui est arrêté et ça passe sur la plateforme ZinTV que des millions de personnes regardent. Vous le reconnaissez, vous dites qu'est-ce qui s'est passé, vous inquiétez, ça peut vraiment avoir des répercussions. Donc là, il serait sans doute intéressant de flouter la personne, mais pas spécialement le policier. Le policier, non, puisqu'il est là dans l'exercice de ses fonctions. Oui, pardon. Je me permets peut-être de rebondir là-dessus, parce que oui, c'est justement le propos de la vidéo que je proposais de montrer, donc c'est peut-être intéressant de la montrer maintenant et de pouvoir en discuter. Une petite vidéo vous ferait plaisir ? on est prêt à tout hein, pour vous satisfaire en ce samedi ensoleillé. Mais vous êtes super, vous. Allez, on y va. Je me tais. Donc le contexte, c'était une manif contre la loi anti-squat et qui a eu lieu en mars de 2018 et qui a été interdite d'entrée. Donc voilà. Ça, c'est à Bruxelles. C'est à Bruxelles. C'est à Bruxelles. Ça s'est passé près de chez vous. Moi, je sors de ma librairie pour reprendre le train. Et sur mon parcours, je vois qu'il y a des véhicules de police de tous les côtés. Je vois aussi des Playmobil, enfin des policiers avec leur casque blanc. Hein. Et puis j'entends des bruits de tambour et je constate qu'il y a 5 ou 6 personnes avec 2 tambours. Et donc voilà, ils sont à peu près, je dirais, 30, 40, 50, par arrêter 5-6 personnes. Il y en a un qui a été menotté. Et ça me semble être, comment dire, un grand branle-bas de combat pour pas grand-chose. Et donc, même si c'était pas autorisé, je vois pas pourquoi il faut, tu sais pas moi, la moitié de la police de Bruxelles pour s'occuper de ça. C'est habituer les gens à ce que, à la présence de la police en nombre, casqué, avec bouclier, et réprimer toute action, parce qu'en fait, ils ne faisaient rien de bien répréhensible. Je sais pas s'il faut demander une autorisation pour se balader. Pour se balader sur la rue avec des tambours, mais bon, je trouve ça vraiment un peu, ça va trop loin, quoi. Voilà, vous allez filmer là-bas, le monde. Oui, là-bas. Non, là-bas. Voilà. Vous n'avez pas carte de presse, monsieur. Alors, non, vous pouvez être arrêté. Ça, ce sont des personnes qui sont arrêtées. Vous ne pouvez pas filmer des personnes arrêtées. Non, vous ne pouvez pas filmer des personnes arrêtées. Non, monsieur, vous ne pouvez pas. Monsieur, vous ne pouvez pas filmer des personnes arrêtées. Ne croyez pas savoir tout, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas filmer des personnes arrêtées. C'est vous qui devez vous renseigner. Si vous voulez que je vous arrête pour vous le démontrer, faire un PV, vous ne pouvez pas filmer des personnes arrêtées. Vous n'en avez pas le droit, ça va ? Maintenant, vous partez. Ouais, monsieur. Vous partez. Je suis pas mon appareil. Vous partez. Nous sommes d'accord ? Est-ce que je peux avoir ça, s'il vous plaît ? Quand on pense connaître la loi, oui, il faut en être certain. Droit, bon, sinon, on ne fait pas, on ne fait pas son Jean Gabin. Ça va ? Je vais on est d'accord ? Est-ce que je peux avoir... S'il vous plaît, Vous allez partir, monsieur ? J'ai pas le choix. Ou sinon, je saisis ça, puisque je vous ai dit ça, vous avez assez. Maintenant, vous ne pouviez pas filmer des personnes arrêtées. Nous sommes d'accord ? Ok, très bien, monsieur. Voilà, vous partez, monsieur. Plus vite que tout de suite. Ouais. Partez, monsieur. Monsieur, troisième fois. 4. Mais monsieur, je dois m'asseoir ici, quand même. Gardez l'identité, s'il vous plaît. Regardez. Vous avez le droit en filmant, peut-être ? Pardon ? Vous êtes gens vraiment pour des cons, hein ? Ouais, j'ai le droit de filmer, hein. Je filme, monsieur. Je filme à personne. C'est pour ça qu'on va venir dès qu'on retrouve ces images de l'intérieur. Plusieurs choses importantes dans ce que vous avez vu. Est-ce que vous voulez peut-être réagir et puis. J'avais une petite question rapide par rapport à ce qu'on se dit avant. Est-ce que cette interdiction éventuelle de filmer les gens, de filmer les gens qui sont arrêtés, consiste à ne pas les filmer ou ne pas diffuser ? Non, oui. Normalement, c'est la diffusion qui pose problème. À partir du moment où on peut les reconnaître, et ça peut poser un souci, en effet, par rapport à la présomption d'innocence. Mais de nouveau, c'est très compliqué de séparer les deux. Le fait de dire systématiquement qu'on ne peut pas photographier ou filmer des gens qui sont en état d'arrestation, enfin, est dans la loi de police, ça c'est exact. Mais encore une fois, ça ne couvre, à la limite, qui pourrait le demander, enfin, qui pourrait s'en prévaloir, c'est la personne elle-même et non pas le policier qui fait son Jean Gabin, dont j'aime beaucoup, pauvre Jean Gabin, là-dedans. Donc, non, c'est vrai que c'est surtout la diffusion, évidemment, qui pose problème. OK. Alors, il y a peut-être une chose qui vous a peut-être aussi choqué, c'est la saisie. À un moment donné, le policier qui a beaucoup d'humour parle de si vous continuez, je saisis votre appareil. OK. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est permis? Non. Donc, ça ne va pas, évidemment. C'est une intimidation. La saisie, elle ne peut être qu'administrative ou judiciaire. Donc, ça veut dire que la police ne peut avoir. Enfin, s'il y a une saisie, elle ne peut être que décidée que par un magistrat. D'accord ? Il y a des saisies. Hein. Si par exemple, le parquet ou un juge d'instruction pense que, à tel ou tel domicile, il existe, il y a des objets volés ou des objets recelés ou que sais-je, évidemment, des saisies peuvent être demandées. Mais à la requête d'un magistrat, d'accord ? La police, en l'occurrence, la police qui serait filmée, un policier, en l'occurrence, ne pourrait pas saisir votre appareil photo ou votre caméra parce que vous le filmez en train de... dans l'exercice de ses fonctions, si je puis dire. On a un cas concret avec ZinTV, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais donc on est en procès contre deux policiers de la police de Bruxelles, justement, parce qu'en 2015, on filmait l'encerclement du sommet européen, l'équipe s'est fait arrêter, a été libéré et filmé les personnes qui descendaient du car. Et à ce moment-là, le policier a saisi la caméra et a effacé volontairement les données des cartes. Alors, c'est d'abord passé au niveau du comité P qui a rappelé effectivement la règle, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas le droit en tant que policier de saisir une caméra et d'effacer des données, que ce soit d'ailleurs un journaliste, un cinéaste ou un photographe ou un simple citoyen qui filme une situation donnée. Hein. Enfin, ça n'a pas, la carte de presse n'a rien à voir non plus dans tout ça. Et maintenant, ça suit en procédure civile. La suite, ce sera le 25 janvier, là, au niveau de... Mais voilà, donc encore un cas qui rappelle effectivement que... Comité P, ça va pour tout le monde. Donc, Comité P, c'est la police des polices. Donc, c'est même pas moi qui le dis, c'est la police elle-même. Vous devez savoir qu'il existe aussi au sein de la police. Ils ont voulu, à un moment donné, faire 2-3 notes, ce qu'on appelle les notes d'intervention. Il en existe une, je pense, à la police du Hainaut a sorti une note d'intervention, mais qui est à l'intention des policiers, qui rappelle ces principes. Mais c'est la seule, je dirais, le seul document un peu officiel qui existe au sein même de la police. D'accord ? Un autre élément, vous avez peut-être entendu avec cette pauvre personne dans le parc, à un moment donné, je pense que un des policiers lui dit carte d'identité. Oui ? Vous avez entendu ça aussi ? Donc, est-ce que la police a le droit de demander votre carte d'identité, selon vous? Vous me regardez, je ne suis pas de la police, ne vous inquiétez pas. Parlez librement, c'est sur la liberté d'expression. Soyez libre, même si c'est filmé, que ça sera retourné. Normalement, tout le monde t'a entendu? Donc, ils doivent avoir une suspicion d'infraction pour demander une carte d'identité. Exactement. Donc, ce n'est que si vous commettez une infraction, d'accord, qu'ils peuvent demander votre carte d'identité. Et comme je vous le disais, les filmer n'est pas une infraction. Donc ils ne peuvent pas demander votre carte d'identité de la même façon qu'ils ne peuvent pas prendre votre appareil photo ou vous le confisquer, ou encore moins, si je puis dire, effacer tous les fichiers contenant des prises de vue ou des plans ou quoi qu'il en soit. OK. Journaliste, oh pardon, oui, je vous écoute. Juste une petite question pour le procès que vous faites contre la police. Est-ce que c'est contre les... deux personnes, en tant que personne, ou c'est la police en général qui est accusée D'abord, c'est passé donc au niveau du comité P, où là, ça interrogeait évidemment l'action en elle-même. Et les deux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc les données ont été effacées, une grande partie des données ont été effacées, mais on a pu récupérer des données de la carte mémoire. Et donc, on a pu identifier les personnes qui ont commis cet acte. Et donc, effectivement, maintenant, il y a une procédure vis-à-vis de ces personnes ciblées, donc les personnes qui ont été identifiées, les policiers qui ont été identifiés. Je ne suis pas l'avocat qui est dans ce dossier, mais c'est exact, c'est toujours des personnes des personnes, les policiers en question. Vous ne pouvez pas faire une action contre la police de façon générale. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont deux policiers qui n'ont pas respecté, voilà, en l'occurrence, la loi et leur code de déontologie, puisqu'il y a aussi un code de déontologie de la police par rapport à ça. Donc ils ont méconnu l'obligation de prudence, et donc ils sont, comme vous et moi, passibles de sanctions. En l'occurrence, ça peut être des sanctions administratives. Je ne sais pas si ça a été le cas dans votre cas, mais ce sont aussi des sanctions judiciaires. Donc les policiers peuvent être poursuivis comme n'importe qui d'autre devant un tribunal pour avoir commis une faute. Le cas d'espèce, c'est d'avoir confisqué, effacé des fichiers, et peuvent payer des dommages d'intérêt en fonction de ce que décidera un magistrat. Plus les sanctions administratives, mais ça, je ne sais pas du tout s'ils ont été en plus sanctionnés administrativement. Ça, j'en sais rien. Ça, je ne sais pas. Mais les deux sont possibles, en tout cas. Terrible. Hein. Waouh. Ouais. OK. Photographe de presse, photographe professionnel, on en a parlé. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je voulais aussi voir avec vous. Souvent, on entend, oui, mais montrez-moi votre carte de photographe, votre carte de journaliste professionnel. On entend quelquefois certains policiers, si vous n'êtes pas professionnel, vous ne pouvez pas le faire. D'accord ? Non, ça de nouveau. Vous devriez savoir, en tant que professionnel, vous n'avez pas le droit Oui, on peut le voir comme ça aussi. Mais je rassure tout de suite, la notion de journaliste citoyen est une notion qui est de plus en plus développée, notamment pensez aux lanceurs d'alerte. D'accord ? Donc, ce ne sont pas spécialement des journalistes professionnels ni des photographes professionnels qui, à un moment donné, à travers leur réseau, à travers leur blog, à travers leurs canaux de diffusion d'informations, dénoncent certains faits. Okay ? Et justement, c'est intéressant parce que cette notion de journalisme citoyen ou de journaliste citoyen permet aussi de mettre à mal toute une théorie, alors sans vouloir trop vous plomber votre après-midi, lié à ce fameux GDPR, qui est un grand règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, où certains de considérer qu'une image est une donnée à caractère personnel. Okay ? Et dans le GDPR, que vous connaissez sans doute, si vous avez reçu normalement, chacun d'entre vous, depuis le mois de juillet, a reçu des tonnes de mails de gens que vous ne connaissez pas, disant « Bonjour vous êtes client, voilà, j'ai votre adresse, votre courrier électronique. Si vous voulez continuer à être dans ma base de données, dites oui ou dites non. » Donc j'imagine que, en tout cas, ceux qui achètent sur Internet, je ne sais pas si on en a parmi vous, ont dû recevoir ce type de mail. Mais pour revenir à l'application de ce fameux GDPR, qui est maintenant implémenté dans notre loi, dans la loi de vie privée, eh bien, certains donc de considérer qu'une image est une donnée à caractère personnel, donc devrait d'office faire l'objet d'une autorisation préalable. Ça permet de contourner la problématique du droit à l'image qui connaît toutes les exceptions dont on a déjà parlé. Le fait que ça soit... on n'a pas encore parlé, le lieu public, le personnage public, puisqu'on considère qu'un policier en l'espèce est un personnage public, d'accord ? Dans l'exercice de ses fonctions, évidemment. Alors, il y a un grand débat juridique là-dessus, pour le moment. Qu'une image soit une donnée à caractère personnel, oui, parce qu'elle identifie une personne. Ça, tous les juristes vous diront oui. En revanche, il y a d'autres conditions comme un traitement automatisé auquel il faut répondre pour vraiment être sous le joug de cette réglementation. Alors, c'est une réglementation très très protectrice pour vous, pour la vie privée des particuliers. Et je m'étonne d'ailleurs que la police n'ait pas encore un petit peu travaillé là-dessus pour essayer de dire oui, bon, on va laisser tomber le droit à l'image. Droit à l'image, on n'est peut-être pas assez fort, mais par contre, le GDPR, maintenant, on va y aller parce que c'est une donnée à caractère personnel. Donc là, c'est clair, il faut un consentement certain, préalable, avant de diffuser l'image. Mais bon. Alors, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que, paradoxe de cette exposition, donc il y a une exposition sur justement. La censure des images, l'affiche qu'on a, la photo qu'on a choisie pour l'affiche de l'exposition a amené à un email de la police, de la cellule communication de la police de Bruxelles-Ixelles, nous demandant en fait tout simplement de retirer cette publication parce que sous le registre de la protection de la vie privée, nous n'avons pas demandé l'autorisation aux policiers en l'occurrence, parce que c'est un policier. C'est pas reconnaissable immédiatement. Vous pourrez remarquer qu'il n'y a pas de brassard. Donc la police nous a appris effectivement que c'était un de ses collègues qui tire au flashball. Et donc ça c'était dans le cadre de d'une de du collectif La Voix des Sans-Papiers qui changeait de squat, et donc l'intervention policière a eu lieu de manière assez brutale. Et donc voilà, donc on est confronté justement à cet argument de la vie privée pour essayer de supprimer cette photo. Alors ça a fait débat entre nous. On a réfléchi, est-ce qu'on la garde telle quelle, est-ce qu'on masque, et finalement on a fait le choix de simplement bander les yeux, parce qu'on considère que l'expression est quand même intéressante, mais au moins il est moins reconnaissable en bandant les yeux. Donc voilà, ça c'était le choix pour essayer d'apaiser au moins, de trouver une solution équilibrée pour... Est-ce que tout le monde est OK avec ça ? Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir ? Yo, ce que je comprends pas, c'est comme vous venez d'expliquer qu'il est dans le cadre de son boulot, là, le policier. Donc, on peut le filmer, on peut le photographier. Et donc, c'est quoi alors l'idée d'enlever... c'est quoi ce bazar ? Je comprends pas. Alors, la problématique, vous avez tout à fait raison. Donc, normalement, il est dans l'exercice de ses fonctions. Donc, qu'il soit flouté ou pas, ne change pas le problème. C'est clair qu'à partir du moment où on le floute, il n'est pas reconnaissable. Donc là, en principe, il aurait moins de chances d'aboutir à une procédure. Alors, si jamais il n'est pas content, parce que la question s'est posée notamment, et pas mal de policiers qui ont été confrontés à se reconnaître sur des images ou des photos et demander à les enlever. Exactement, tout à fait, merci, tout à fait. Notamment pour une question aussi de protection, d'accord. Bon, ici, convenons que le policier ne semble pas tellement en danger, encore que, enfin voilà, c'est difficile de voir ce qu'il y a derrière dans les deux sens, mais certains policiers de dire, oui, mais écoutez, si on me reconnaît, je vais avoir des problèmes, peut-être que ces gens vont me reconnaître après et vont me poursuivre et je vais avoir des problèmes, ma famille va avoir des problèmes, mes enfants vont avoir des problèmes. Okay, donc on est là vraiment dans une balance de deux intérêts. Et ça, c'est très intéressant parce que la Cour européenne des droits de l'homme joue beaucoup là-dessus. C'est l'idée de dire, OK, qu'est-ce qu'on a comme intérêt en jeu ici ? On a la réputation ou la vie privée d'un policier, okay, même s'il est dans l'exercice de ses fonctions, d'accord ? Mais convenons qu'il est là dans une situation qui est tendue. Et quoi d'autre ? Ben, la liberté d'expression, le droit à l'information. Donc, dans la balance des intérêts des deux. Si moi je suis le policier, je vais faire l'avocat du policier, je dis écoutez, mes proches m'ont reconnu, même en me floutant, okay, mes proches m'ont reconnu, donc j'ai le droit, une vie privée, de vous demander d'interdire de continuer à diffuser l'image. Alors ici, pour la petite histoire, c'est assez cocasse, puisque ce n'est pas lui qui le demande, mais c'est la zone de police. On peut se demander, hein, normalement, un droit à l'image, c'est quelque chose de privé. Okay, donc est-ce que la zone de police qui demande pour un policier, on pourrait déjà lui dire, écoutez, c'est un problème de mandat, hein, techniquement, on peut discuter, mais peu importe. Et imaginons que c'est lui qui le demande et qu'il dépose plainte, d'accord ? Bon, il y a peu de chances que ça aboutisse, mais s'il va plus loin, quand même, s'il va devant un tribunal, un juge devrait vraiment faire la balance d'intérêt en disant, écoutez, est-ce que la diffusion de cette photo vous porte à ce point un préjudice par rapport à votre réputation, votre honneur, votre vie privée, le fait que vous soyez reconnu après ? Que vous ne puissiez pas aller, pardon si je suis un petit peu borderline, de se promener dans ma tongue sans avoir de problème, puisque voilà, il semble s'en prendre à une communauté particulière. Monsieur, enfin, je vous coupe, après je le ferai plus jamais, hein, mais vous êtes d'accord, c'est quand même énorme, c'est quand même énorme cette photo, c'est-à-dire qu'il y a un flingue, oui, qui est, comment on dit, pointé, en joue, oui, pointé, ouais, ouais, sur. Une bande de gens, c'est ici à Bruxelles. C'est au centre-ville. Enfin, je veux dire, c'est quand même énorme, quoi. Hein. Oui. Donc je comprends que le policier ait envie de pas montrer cette image parce que ça raconte plein de choses. Hein. C'est pas simplement le droit à mon image. Il y a quelque chose qui se passe là sur cette photo, quoi. Oui. C'est ça que je voulais dire, qui est énorme. Tout à fait. Qui donc, raconte des choses énormes. D'où l'intérêt de voir par rapport au droit à l'information et le fait qu'un policier surréagirait par position, parce que c'est pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont été mis en... Je sais pas, je vais me faire l'avocat des policiers pour une fois, ça va me changer. Peut-être qu'ils ont été, au centre de jets de pierre, je sais pas, ou ils ont peut-être été menacés quelques minutes avant, je ne sais pas. On n'a pas le contexte. Hein. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas, donc c'est compliqué. Alors, OK, c'est une photo qui est très forte, hein. C'est vrai, il y a un acte vu comme ça, froidement, si on analyse comme dans un laboratoire, on dit, mais écoutez, c'est pas possible. Et donc il faut dénoncer ça, et donc il faut que quelque part la liberté d'information, ce droit à l'information soit plus fort que finalement la vie privée ou du moins la réputation, l'honneur, puisque on peut parler de réputation et d'honneur aussi. On a quelqu'un qui semble gueuler et peut-être donner un ordre de tirer, même si c'est quoi ça, c'est pas un truc létal ça. C'est combien même semi-létal. Oui, mais ça fait mal. Mais ça fait mal, ça. A déjà tué, ça a déjà tué cette. Ça a déjà tué des gens, hein, oui. Si on tape dans le donc c'est pas bien. C'est pas. Donc voilà. Donc c'est ça. C'est vraiment un cas d'école. On sera mes étudiants. Je pense qu'ils seraient très fâchés parce que ce serait compliqué. C'est vraiment un très beau cas d'école parce que on a, je crois, ces deux intérêts en balance. Sachant qu'il y a une quand même dans l'email qu'on a reçu. Une menace de mise en demeure, en tout cas une menace de prendre des sanctions, ou en tout cas de suivre la procédure, et si on ne retire pas la publication, parce que nous n'avons pas fait la demande spécifique avant pour avoir l'autorisation de publier cette menace. Du coup, effectivement, pour en revenir à la question plus pratique de droit, est-ce que la police peut porter plainte contre nous? Elle peut toujours essayer. Enfin, on ne peut interdire à personne de porter plainte. Puisque on ne peut pas, nous, attaquer la police en justice, est-ce que la police peut attaquer en tant que corps? Ça sera un premier argument que si vous me prenez comme avocat, que je soulèverai en disant non. Ça dépend. C'est le droit à l'image, encore une fois, le droit au respect de la vie privée, c'est personnel. Okay, il y a certains cas où, par exemple, pensez à un défunt, d'accord, vous perdez un proche, et pensez à Johnny Hallyday, enfin tout ce qui est Press People. Où on essaie de déterrer certaines choses et donc où les conjoints survivants essaient de s'opposer à l'utilisation de l'image, voilà, d'une personne qui est morte. D'accord, okay. La personne est morte, elle ne peut plus exercer son droit au respect de la vie privée autour, mais on accepte que le défunt, ou du moins les proches, puissent faire une demande pour s'opposer à l'exploitation d'une image ou d'une photo qui pourrait être problématique. Ok. Mais hors ces cas-là, moi, je pense que le corps de la police ne peut techniquement pas, mais ça, c'est une question pour les juristes, et pardon pour ça, pour les avocats et juristes, de dire, ben non, elle ne peut pas prendre, elle ne peut pas le demander au nom de la police. C'est cette personne-là, je pense, qui devrait, elle, dire, moi, j'ai un souci avec la publication, pour peut-être mille raisons légitimes, que sais-je. Et c'est elle qui doit porter ce problème, le cas échéant, devant un tribunal. En tout cas, si elle porte plainte au pénal, il y a peu de chances qu'à Bruxelles, ça soit suivi, ça sera classé sans suite, donc ça ira très certainement à la poubelle. Il reste les procédures civiles. Il pourrait dire, ben, voilà, le fait d'avoir diffusé cette photo est une faute parce qu'il n'y avait pas mon consentement, ou en tout cas, j'ai demandé à ma hiérarchie de la faire interdire ce que Zine n'a pas voulu faire. J'ai un préjudice. Quel est son préjudice? Je ne sais pas. Ici, je ne connais pas, mais je pense que si cette personne décide de faire une procédure contre Zine, il faudra quand même qu'elle ait certains arguments. En tout cas, elle devra amener l'idée d'un préjudice. Parce que sinon, ça va être une procédure qui n'aura sans doute pas vraiment de suite. En tout cas, elle ne fera pas jurisprudence, à mon avis, oui. Oui, mais on sait bien que depuis ces dernières années, la loi, les règlements généraux, etc., sont tous, moi je dirais, carrément pervertis par la notion de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Et dans ce cadre-là, la police se permet, quelle qu'elle soit, communale ou fédérale, se permet des choses extraordinaires. Je parlerai par exemple de l'expulsion de la voie des sans-papiers à Molenbeek il y a quelques années déjà, où ça devait dépendre de la bourgmestre d'expulser ou non les gens. Et en fait, c'est la police fédérale qui est venue avec des hélicoptères, comme si c'était des terroristes, pour les avoir dehors. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Résister. Maintenant, peut-être faut-il vous dire que c'est peut-être pas parce que c'est la police que... Enfin non, je vais dire ça autrement. J'espère qu'il n'y a vraiment pas de policiers ici, parce que sinon, je pense que je n'ai plus de voiture ni de maison. S'il y en a, je le saurai tout de suite. Je pense que ce n'est pas parce que les personnes sont policières qu'elles sont d'office les plus au courant de ce qu'elles peuvent faire ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour rebondir juste sur le fait que la loi, c'est de plus en plus répressive, oui et non, pensez par exemple à ce qu'on appelle la protection des sources journalistiques. Il y a des journalistes parmi nous? Oui, peut-être. Ben, les journalistes, chez nous, sont extrêmement bien protégés. Si un jour la police débarque chez vous pour essayer de savoir quelles sont vos sources par rapport à la communication d'une information quelle qu'elle soit, eh bien, ce n'est que qu'un juge d'instruction dans des conditions extrêmement, extrêmement limitées, en deux mots liées notamment à des attentats terroristes ou des menaces terroristes, qui pourraient faire en sorte que vous devriez dénoncer vos sources ou donner la source de vos informations. Ce qui est extrêmement... Enfin, ça ne s'est jamais vu en Belgique, en tout cas. Donc, en Belgique, on a quand même, au niveau de la liberté d'expression, au niveau de la... Surtout au point de vue des journalistes, on a quand même une législation assez forte. Après, le problème, en pratique, oui. En pratique, sur le terrain, je ne dis pas que certains policiers, bah, comme notre ami Jean Gabin de tout à l'heure, ou le fan de Jean Gabin, bah, se permet de rappeler des choses qui ne sont pas exactes. Mais ça, convenons que c'est malheureusement souvent le cas dans un tas de professions, dans la vraie vie. Ce que je voulais dire par rapport à cette image, justement, oui, c'est que le policier en question, il peut dire qu'il va craindre pour sa sécurité, bien sûr, pour sa vie. Bien sûr. Parce qu'il y a une criminalisation systématique, oui, des sans-papiers depuis, oui, quelques, oui, années, oui, qui sont juste en séjour illégal, oui, mais, oui, qu'on considère comme des malfaiteurs, oui, quasiment systématiquement, et on fait rentrer ça dans la tête de la population. Et c'est aussi pour ça que la population vote à, oui, droite. Hein. Ok. Oui, il serait intéressant d'avoir le sentiment de représentant de la police là-dessus. Moi, je peux comprendre que cette personne peut-être se sente menacée ou réagisse. Vous savez, c'est pas toujours évident d'avoir une analyse. On a une analyse assez... On essaye de l'analyser de façon juridique et autre. Hein. Je fais ça avec mes étudiants, voilà, qu'ils ont pensé. Mais après, dans la vraie vie, c'est pas toujours évident. Quand vous êtes sur le terrain, ils s'en prennent souvent plein la gueule. Maintenant, je ne suis pas du tout de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Mais là, ça serait peut-être intéressant d'avoir leur sentiment aussi, qu'on dise, ben voilà, nous, quand on doit faire une intervention et qu'il y a des journalistes ou des caméras, ou même pas des caméras, hein, vous avez tous en main ici de quoi faire des superbes vidéos HDR, on est tous potentiellement des caméramans ou des journalistes. Hein, c'est... Et donc, est-ce que ça met une pression supplémentaire? Est-ce que c'est compliqué. Je n'ai pas fait d'études sociologiques ni psychologiques, mais des gens de terrain, ça serait peut-être intéressant d'avoir leur point de vue. Bonjour. Moi, je suis historienne de l'art de formation, donc j'analyse les images, mais je suis aussi soutien des mouvements des sans-papiers. Et donc, je suis vraiment... très sensible à cette question de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais je voudrais quand même dire que les sans-papiers qui sont là, je ne suis pas non plus sûre qu'ils voudraient que leur image soit diffusée aujourd'hui de cette manière-là. Parce que d'une part, il y en a qui ont été blessés lors de cette intervention et qui sont toujours en soins. Donc c'est pas quelque chose qui est réglé. Et l'autre part, c'est qu'ils vont évidemment pas porter plainte au comité P, parce que en fait, ce sont des gens qui vivent. C'est même pas de la peur, c'est de la terreur. Tout est terreur et tout est question de stress. Donc quand ils ont découvert cette photo qui était diffusée sur Facebook, il y en a certains qui n'étaient pas au courant. On leur a pas informé non plus, et je voulais juste rappeler ça aussi, parce que quand ils manifestent dans la rue pour dire qu'ils sont sans droit, c'est une réalité. Leur droit à l'image, leur droit, le fait qu'ils aient été, qu'ils aient subi des violences, voilà, ce sont des gens sans droit et sans papier. Donc je voulais juste rappeler ça, parce que ils sont pas là aujourd'hui pour le dire, quoi. Merci madame. Oui, ils ont autant le droit qu'un policier, le droit à l'image. Mais si. Mais si. Monsieur, excusez-moi, d'abord, comme vous l'avez dit... Qu'est-ce que vous entendez par le droit? Donc ici, la seule chose que je dis, c'est que le droit à l'image... Monsieur, comme... ils n'ont pas le droit d'avoir des téléphones ici en Belgique, parce que en fait, maintenant, pour avoir un téléphone, vous devez donner vos papiers. Donc déjà, comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès à l'information? C'est une chose, et voilà. Mais oui. Je pense que je m'exprime par rapport à, aux personnes que je connais. C'est des gens qui ont été traumatisés à ce moment-là. J'entends bien, donc, mais cela ne leur enlève pas le droit de... Alors, je peux concevoir que l'exercice de ce droit est plus compliqué pour eux que pour un policier ou que pour chacun d'entre nous ici dans la salle, mais ça ne leur enlève... Le droit à l'image est quelque chose qu'on ne perd jamais, qu'on soit sans papier, réfugié ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous ne pouvez pas porter plainte. Si... Ah oui, mais ça... Je ne sais pas si vous voyez des gens qui ont été là dans ce conflit-là avec la police. Allez voir la police pour porter plainte. Enfin, je veux dire, c'est des êtres humains aussi. Ok, j'entends, mais l'idée ici, le débat en tout cas ici, est de parler du droit à l'image. Que ce soit de la police, que ce soit des manifestants, de vous, de moi, de tout le monde. Donc je voulais juste rappeler le fait que ça existe. Alors après, comment l'exercer, la difficulté d'exercer, je peux évidemment bien concevoir, et c'est bien dommage qu'ils ne peuvent peut-être pas le faire aussi facilement que nous, parce qu'ils n'ont pas d'identité, enfin, ils ont perdu leur identité, ils ont perdu... Voilà, c'est plus compliqué pour eux dans la vraie vie, ça j'en suis conscient, mais je veux dire, il n'y a pas un droit plus fort pour la police, et, vous voyez ce que je veux dire, c'est le même droit pour tout le monde. La police n'a pas plus de droits que n'en ont. Oui. Bah, par rapport au droit à l'image, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que quand on est dans l'espace public, qu'on fait partie d'une manifestation publique et qu'on n'est pas sciemment représenté personnellement par le photographe, c'est-à-dire une photo de groupe comme dans n'importe quelle manifestation, il n'y a plus de droit à l'image. Vous avez raison, c'est ce qui se passe ici. Que ce soit pour la police ou pour les manifestants. Alors c'est embêtant effectivement pour des gens qui ne veulent pas être reconnus. Et par rapport aux sans-papiers, je serais un peu embêtée de dire ça, mais si on ne veut pas être vu dans une manifestation, il ne faut pas y aller. Parce qu'il y a aussi un droit à l'information, et que si les photographes ne peuvent plus photographier des gens qui manifestent et des gens qui contre-manifestent, alors il n'y a plus d'information. Mais on n'est jamais... Quand on est dans une manifestation... On va le dire de façon technique. Oui, tout ce que vous avez dit est tout à fait juste. À partir du moment où vous êtes dans une manifestation, dans un lieu public, que vous soyez réfugié, policier, quidam, cuisinier, n'importe... Vous donnez une autorisation tacite à ce que vous soyez filmé ou photographié. La question après, et c'est là où la jurisprudence diverge, c'est si quelqu'un dans cette manifestation souhaite dire « Ah, maintenant, moi je ne veux pas ou plus que cette photo ou ce film soit diffusé parce que j'ai un préjudice particulier pour mille raisons. » Et là, on est dans la balance des intérêts dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir qu'en principe, un tribunal devrait dire « Écoutez, monsieur ou madame, vous y étiez quelque part, tant pis pour vous. Vous avez tacitement accepté que vous soyez filmé ou photographié au nom notamment du droit à l'information. » D'accord ? Mais il existe quand même de la jurisprudence où un tribunal a accepté qu'il y ait un retrait, même dans un cas comme celui-là, dans la mesure où il y avait une série d'éléments. Je pense par exemple aux attentats à Paris, par exemple, il y avait une très très belle photo, enfin une très très belle photo dramatique, mais d'une dame devant une bouche de métro parisienne avec un énorme nuage de fumée, très belle photo qui a fait presque le tour du monde. Donc une dame ensanglantée, okay, reconnaissable, c'était de l'actualité, d'accord, lieu public, actualité, les médias ont utilisé lourdement cette photo, et cette dame a porté plainte. Enfin, elle a saisi un tribunal plutôt pour demander le retrait de cette photo. Alors là, vous pourriez dire, ben non, madame, non. Le public, c'est l'information, désolé. Mais le tribunal a considéré que le droit à la souffrance, enfin, cette espèce de reconnaissance d'une souffrance, devait s'arrêter. Et le fait, en effet, pour cette dame de revoir cette photo, okay, lui causait un énorme préjudice moral. Et on a considéré, dans la balance des intérêts, hein, c'est toujours ça, hein, c'est le droit, c'est la balance. Dans la balance des intérêts entre une photo très choc qui illustre une terrible réalité ou une terrible information et le droit personnel de quelqu'un qui peut souffrir, en effet, de voir cette photographie ou ce film être diffusé, quel que soit le support de diffusion et quelle que soit son ampleur, d'accord ? Eh bien, c'est pas toujours évident. Et qui suis-je, moi, pour dire, ah oui, là, dans ce cas-là, c'est bon, dans ce cas-là, c'est pas bon. C'est vraiment... Et qui peut le dire ? Ben, ça sera un tribunal, si on va jusque-là. Mais j'ai bien conscience que, pour certaines personnes, c'est plus compliqué d'y aller. Je voulais juste... Ah oui. Je pouvais... Ah, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Ça, je ne sais... Moi, je ne sais pas. Attends, parce qu'on ne vous entend pas si vous n'avez pas le micro. Mais je voulais juste rajouter par rapport à ce que vous disiez et ce que vous disiez aussi. Il y a la question de droit et puis il y a la question de l'éthique de celui qui filme aussi et du rapport au filmeur et au sujet qu'il filme. Et je trouve que c'est quand même relativement important de le repréciser. Alors, il y a l'aspect légal, c'est une chose, mais aussi il y a l'éthique du filmeur. Et je trouve que c'est bien que vous rappeliez ce que vous venez de dire. C'est important pour les caméramans, c'est important pour les filmeurs aussi, et c'est important en tant que média de se rappeler, de se rappeler de ça. Enfin, moi, je trouve, je connais Frédéric, donc je sais qu'il n'avait pas un rapport à vouloir blesser, en tout cas encore plus... les sans-papiers qui sont filmés, mais je peux peut-être lui laisser la parole à ce sujet aussi. On a le responsable sous la main. Il y a plusieurs choses à dire. Frédéric, toi, tu es l'auteur de cette photo. Donc, il y a plusieurs choses à dire, à savoir que ça a déjà été diffusé à l'époque sur RTL en prime time 4 fois. Est-ce qu'RTL est la meilleure des sources ? Non, mais dans le sens où, à l'époque, personne ne s'en est plaint. Au contraire, ça a fait de la publicité pour les sans-papiers, ce qui était positif. Et ici, on s'est posé la question sur le choix de la photo. Et sciemment, on a évacué une photo qui était beaucoup plus centrée sur une personne pour ne pas que ça retombe sur une personne. Donc c'est vraiment, il y a eu aussi une réflexion sur la photo qu'on prend, pour ne pas prendre que ça soit trop identifiable sur justement des sans-papiers. Mais j'aime bien l'idée de l'éthique ou de déontologie. C'est comme par exemple filmer un accident. Vous imaginez, il y en a un accident. L'accident, c'est de l'information. Voilà un accident où les trois personnes dans une voiture ont la tête tranchée. Enfin voilà, un truc abominable. Et on vient filmer ça. Est-ce qu'on peut filmer ça ? Est-ce qu'au niveau éthique, est-ce qu'au niveau moral, qu'est-ce que ça va apporter au monde, qu'est-ce que ça va apporter à l'information ? On peut dire, voilà, il y a un terrible accident qui s'est passé là, sans spécialement montrer des images. Mais convenons qu'on est tous dans un grand cirque bourré d'images et on aime bien un peu voir des choses comme ça. Donc on a un peu, quelquefois, une position qui est discutable par rapport à notre éthique ou notre morale, ce qu'on a envie de voir, ce qui nous fait encore frémir ou pas. En 2018. Oui, je voulais justement poser une question à propos du droit à l'image, ici, indépendamment de la police. Du contexte. Oui. Est-ce que n'importe qui peut filmer n'importe quoi à partir du moment où c'est sur la voie publique ? Filmer ou photographier ? Oui et non. Alors, lieu public, ça va pour tout le monde. Parce que là aussi, il faut toujours faire attention des notions qu'on utilise. Hein. Oui, en droit d'image, ça, lieu public, c'est quoi ? Un lieu public, c'est un lieu... Est-ce qu'ici, c'est un lieu public ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Et pourquoi c'est public ? Voilà, tout le monde peut. Est-ce qu'une prison est un lieu public ? Non. Non ? Est-ce qu'un musée est un lieu public ? Oui. Oui ? Le fait de demander de l'argent pour entrer n'est pas quelque chose qui peut changer la nature d'un lieu ? Non. Non ? On va jouer tous les deux ? Non. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que tout le monde peut filmer ou photographier n'importe qui sur une voie publique ou dans un lieu public ? Okay. Oui, en principe, oui. D'accord ? Après, tout est question de discussion par rapport au sujet. D'accord ? Il est clair que, pour des raisons évidentes de photo ou d'information, on ne peut pas interdire à quelqu'un de faire une photo. Voilà, voilà on sort ici, on est quoi ? On est rue du Fort, ben voilà, il y a quelques personnes qui sont, on fait une photo ici en sortant, ça ne pose en principe pas de problème. Mais ça pose la question de savoir si on centralise cette photo sur une personne ou sur un groupe de personnes, dans un lieu public. Si vous le faites, donc si on voit dans la photo, si je puis dire, c'est la photo que vous centralisez la photo sur une personne dans un lieu public, ça peut poser problème. Et la seule façon de sortir de ça, c'est d'aller demander son consentement. D'accord ? Donc ça, c'est la petite frontière, je dirais, entre est-ce qu'on peut tout filmer ou tout photographier de n'importe qui dans le public, il y a cette petite frontière qu'il faut respecter. Et si la personne en question marque son mécontentement ? Si elle dit non, vous prenez un risque à publier. Sauf alors s'il y a un événement d'actualité ou si c'est un personnage public, D'accord, mais personne du public qui ne serait pas dans l'exercice de ses fonctions. Par exemple, un sportif ou un artiste bien connu qui est dans la rue, il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. Donc vous ne pouvez pas dire, oh, mais c'est rien, c'est un people, c'est un artiste, c'est quelqu'un de connu, donc je prends une photo. Alors, on va dire, oh, mais tout le monde fait ça, tout le monde se tape des selfies avec machin, un truc bazar. Oui, ok, mais ça, il est d'accord puisqu'on prend un selfie avec lui. Donc on ne peut pas dire après, oh, non, je n'étais plus d'accord. Ok. Donc il faut être très prudent, en fait. Il faut être prudent. C'est la notion juridique du bon père de famille, qui vaut aussi pour les femmes. Hein. Ah si, ça existe. C'est ça le drame. C'est que ça vaut aussi pour vous, mesdames. Attention. Hein. Le bon père de famille. C'est Napoléon. Hein. Bon, vous avez vu, désolé, ça nous ramène, ça ne nous rajeunit pas. Mais c'est un peu les notions de prudence. Donc si vous le faites, et en sachant que la personne a expressément dit « je ne veux pas que vous photographiez », imaginez, vous sortez dans la rue et vous... J'ai eu le cas, hein, c'est un cas vécu, enfin pas personnellement, mais un cas d'un dossier. Une personne qui sort du CPS, ok, et quelqu'un a fait une photo, mais complètement par hasard. Okay. Le fait est que cette personne ne voulait pas que d'autres personnes soient au courant qu'elle sortait du CPS, d'accord. Et cette photo a été diffusée, et à cause de la diffusion de cette photo, cette personne a eu toute une série de problèmes, notamment au travers de sa famille. Voilà. Et vous dites, ben, j'avais le droit de faire une photo. Elle est dans un lieu public. Je n'ai pas spécialement... Voilà. Où est le problème ? Ben, vous voyez, donc, ça, c'est compliqué parce que quelquefois, on n'a pas toujours tous les tenants aboutissants. On ne sait pas toujours ce qui s'est passé avant et ce qui se passera, évidemment, ce qui se passera après. Donc, après, c'est une question de risque à prendre. Moi, je suis plutôt pour dire, ben, on est dans un pays où, en principe, on a une liberté d'expression. Alors, je sais que certains, quelquefois, outrepassent leurs droits ou pensent connaître la loi mieux que d'autres. Voilà, bon, Jean Gabin nous en a beaucoup appris, mais je pense qu'on a quand même une certaine liberté. Après, comme toute liberté, il faut l'utiliser avec bienveillance et sagesse pour éviter tout problème judiciaire par après. Mais bon, voilà, ça c'est... On pourrait continuer à en discuter, je pense, pendant très longtemps. Malheureusement, je suis le gardien du temps et... Il y a un débat qui va suivre après, donc on va devoir doucement aller vers la conclusion. Je vous invite à rester par après. Il y a un débat qui est sur la question aussi de la criminalisation des mouvements sociaux, donc à travers l'image et de ceux qui prennent des images aussi dans le cadre de mobilisation. Voilà, je voudrais te remercier pour cette intervention. Mais merci à vous. Je pense que c'est des débats qui... Voilà, qui sont extrêmement compliqués et on comprend la confusion qu'on peut ressentir aussi tous quand on est sur le terrain, même si manifestement, à la base, tu l'as dit, la règle, elle est très simple, en tout cas dans le cadre de l'action policière, dans la voie publique, moi c'est ça que je retiendrai, c'est qu'on est tout à fait autorisé à prendre des images. Après, c'est une question de bon sens, de balance, entre effectivement le respect à certaines notions de la vie privée et l'intérêt d'information que peut avoir l'image en tout cas qui est produite et qui est ensuite diffusée. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir été là. Il faudra absolument organiser un autre débat sur le sujet parce qu'on n'a pas abordé ici la question du droit de la police à prendre des images des gens. C'est très intéressant, on pourra en parler. Notamment les caméras qui sont installées partout. Eh bien, on va en parler justement dans le second débat, c'est un des thèmes qu'on va aborder, notamment les dispositifs des policiers qui pourraient avoir des caméras intégrées. Ça fait débat aussi aujourd'hui, donc ce sera abordé dans le second débat. Restez, le meilleur reste à venir. Juste une petite question très pragmatique. Donc le fait que les policiers soient en fonction... Et qu'on puisse les photographier, ça ne vaut que pour les lieux publics ou aussi dans les interventions au sein privé, s'ils rentrent chez quelqu'un et qu'on voit. En principe, c'est l'exercice de leur fonction, c'est l'exercice de leur fonction. Bon, après, je sais, j'ai entendu plein de choses, hein, notamment dans certaines gares anglaises, je ne sais plus si toi qui en parlais, ou dans certains lieux qu'on croit publics ne sont finalement pas publics. Donc, certains lieux où on a finalement un accès assez libre ne le sont finalement pas. Et le propriétaire des lieux vient vous le rappeler en général quand vous sortez votre téléphone ou un appareil photo. Normalement, pour répondre à la question Frédéric, normalement, on doit exercer ses fonctions, de leurs fonctions, ils sont exercés de la fonction. Maintenant, on peut te demander comment est-ce que toi, tu as pu accéder à un lieu qui n'est pas public. Et donc, il faut faire gaffe à ça parce que, OK pour la photo, mais si vous-même vous enfreignez voilà, la propriété, oh, j'aime pas parler de ça, mais bon, voilà, le droit de propriété de quelqu'un, ça peut poser problème. On va dire, ok, la photo, ok, mais toi-même, tu as commis une infraction, et donc, susceptible qu'on te demande ta carte d'identité, et ben voilà, et repartir dans la... Mais bon, toi, tu as l'habitude. Tu n'as plus de carte d'identité. Enfin, tu as des photocopies. Ok. Voilà, merci. Je vous invite à découvrir l'exposition donc, qui se tient en haut, donc exposition photo, vidéo, vous pourrez... découvrir donc cette expo qui est une expo collective organisée avec la Ligue des droits humains, avec le collectif Krasny, avec le photographe Frédéric Moreau. Et donc le prochain débat aura lieu à 16h45, donc ici dans la même salle. Merci beaucoup. Attendez, je vais me mettre là alors parce que sinon j'ai trop...